بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le récit de l'enveloppante est-elle parvenue? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, accablés, exténués. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés à une source bouillante. Il n'y aura d'autre nourriture pour eux que des plantes épineuses et amères, qui ni n'engraissent ni n'apaisent la faim. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة Et ce jour-là, d'autres visages seront épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin. Ils n'entendront nul propos futile. Il y aura là une source jaillissante, des divans surélevés, des coupes à portée de main, des coussins disposés en rangée et des tapis étalés. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ne considèrent-ils pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comme il est élevé, et les montagnes comme elles sont fermement fixées, et la terre, comme elle est nivelée. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Ton rôle n'est pas de les y obliger par la force. Toutefois, quiconque se détourne et ne croit pas, Dieu lui fera subir le plus sévère des châtiments. C'est vers nous, en vérité, qu'ils reviendront. Ensuite, ce sera à nous de leur demander des comptes.